Le présidium du comité central de l'Association générale des Coréens résidant au Japon, Chung-nyon, a fait parvenir le 17 décembre une lettre au maréchal Kim Jong-un à l'occasion des 5 ans du décès du général Kim Jong-il. La lettre indique notamment « Le généralissime Kim Jong-il a conduit sagement le parti, l'armée et le peuple avec sa direction peu commune et expérimentée pour opérer un tournant décisif dans tous les secteurs de la révolution et du développement du pays et développer notre pays en puissance politico-idéologique en étroite union et en puissance militaire invincible afin de placer la dignité et le potentiel de la puissance Paektusan au niveau suprême dans l'histoire de la nation. Il est l'éminent leader, le patriote sans égal. Il est aussi le guide de la réunification de la patrie qui a conduit toute la nation à la réunification indépendante, à la paix et à la prospérité avec son noble patriotisme et le vétéran politique mondial qui a fait l'immortelle contribution à la cause d'émancipation de l'humanité. Le maréchal Kim Jong-un prodigue aujourd'hui tous les bienfaits aux permanents de la Chung-nyon et aux Coréens au Japon, tout comme le général qui avait fait de son vivant. Pour la victoire finale de la cause du Tse, le progrès de la cause patriotique de la Chung-nyon et le bonheur des Coréens au Japon, nous souhaitons santé au maréchal Kim Jong-un, grand soleil de la nation et père affectueux des permanents de la Chung-nyon et des Coréens au Japon.